On va parler avec le maire de Desbiens, Nicolas Martel. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs dans la région. C'est très, très populaire, surtout dans le nord du lac Saint-Jean. C'est une religion. Et là, le maire de Desbiens, on sait qu'il a attiré les championnats du monde de pétanque. Mais là, il se prépare quelque chose de très intéressant, en tout cas. Un orignal géant, et ce serait un des plus gros orignals au monde. On parle évidemment d'une réplique et ça deviendrait une attraction touristique. On en parle avec le maire de Desbiens, Nicolas Martel. Salut, Nicolas. Oui, bonjour Daniel. Nicolas, si on parlait... Oui, ça va bien, ça va bien. Nicolas, un orignal géant, où est venue l'idée? Ben écoute, il y avait comme une compétition entre Moose Jaw, le nom Moose Jaw qui est vraiment une ville, c'est l'emblème, c'est l'orignal, puis une autre ville de Norvège, je connais pour le record du monde, du plus grand orignal géant, donc... je me suis dit, pourquoi pas au Québec, pourquoi pas à Desbiens, le plus grand orignal géant, parce que la région est pleine de chasseurs. Ouais. Puis nous autres aussi, nos ancêtres, les Autochtones, puis Mastoyage et compagnie, longtemps, la fourrure a servi, puis la viande également. Donc, je me disais, ça revient bien plus aux Québécois, ça, l'emblème de l'orignal, qu'à Moose Jaw, puis en Norvège. OK. Mais t'as vu ça où? T'as dit qu'il y avait une compétition, mais t'as vu ça où, cette compétition-là? C'était à quelque part d'un magazine? J'ai vu ça passer dans le Journal du Québec, donc ça passe. Il y avait un article sur la compétition qui s'effectuait, que la Norvège avait battu Moose Jaw. Okay. Puis que là, Moose Jaw s'apprêtait à rebattre la Norvège. Donc, j'ai dit, moi, sur le bord du lac Saint-Jean, le plus gros orignal au monde, on a un petit poste de traite, nous, qui a des difficultés, un petit musée qui a des difficultés. Donc, j'ai dit, ça pourrait attirer du monde. Puis après ça, les gens pourraient probablement aller visiter le musée également. Okay. Donc, on est là présentement. OK. Puis où s'en est rendu le projet jusqu'à maintenant, là? Ben, le projet, écoute, on a rencontré une firme d'ingénierie qui se sont montrées désireuses de participer au projet. Okay. Encore là, parce que l'ingénieur qui nous a appelés, c'est trois chums, c'est des chasseurs de la région. Ouais. Donc, également, moi, j'ai contacté une personne de Rio Tinto Alcan pour avoir une commandite, parce que ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait ça mettre l'aluminium en valeur également. Donc, l'ornière serait fait en aluminium. Okay. Puis, à partir de là, on va avoir la conception des plans, on va regarder justement tout l'ensemble du projet, puis on a des surprises, on voudrait peut-être faire différents d'eux. Là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens puissent rentrer à l'intérieur de l'orignal. Donc, on est là-dessus présentement. Donc, c'est un projet qu'on veut mettre à jour pour le mois de juin prochain. Donc, pour notre prochain Desbiens Extrêmes, qui va se tenir cette année le 18, 19 et 20 juin prochain. Puis ça, là, depuis le début de l'entrevue que je parle de orignal géant, mais ce serait quoi la grosseur, la grandeur? Est-ce que tu as une idée? Ben, la grandeur, c'est approximativement 60 pieds de hauteur. Et donc, sacrifice! Très, très, très, très, très, très haut. Ouais. En frais de poids, là, je ne peux pas vous dire le poids exact que ça peut contenir, là, parce que là, on est vraiment... Il y a différents styles d'ornial. On est aussi... Il y a un artiste qui est venu nous voir là, pour, avec l'ingénieur pour regarder de quoi pourrait avoir l'air cet ornial-là. On veut le faire quand même assez dynamique. L'ornial en Norvège, il est vraiment tout complet, comme en argent, aluminium, là, au complet. Tandis qu'à Moose Jaw, il est comme en, je vous dirais, plus en béton. Là. Okay. Donc, nous, on va faire un mariage de ces deux matières-là. On est présentement à l'élaboration du projet, mais je suis certain que les gens de la région vont avoir un beau projet et qu'ils vont venir se faire photographier avec notre orignal. OK. Est-ce que t'as approché les paliers de gouvernement pour avoir un genre de subvention là-dessus? Ben là, ce qu'on fait présentement, ce qu'on regarde, là, justement, là, des sponsors, comme je vous disais, on a demandé à l'Alcan s'ils peuvent nous commanditer la matière première. On y va vraiment par des commanditaires. Après ça, on va faire également un petit concours auprès des chasseurs d'orignal. Donc, on va faire tirer un forfait de chasse dans une pourvoirie. Ah, c'est bon, les ça. Gens qui vont acheter leurs billets, ben, nous, tout simplement, ça va nous donner des sous pour faire l'orignal. Puis je sais qu'au lac Saint-Jean, comme je vous disais, des chasseurs, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis pour eux, ben, je me rends que c'est important d'avoir l'emblème. Il y a également, je vais aller voir aussi les personnes de Mastoyage que je suis rencontré, discuter avec eux. Parce que déjà, on est en lien avec eux pour notre musée, le poste de traite. Puis eux, ils ont leur musée amérindien. Donc, on est capable de faire de quoi de beau, je pense, en collégialité. Ben oui. Donc, on va avoir des réponses quand là-dessus? Ben écoutez, nous autres, le projet va se faire. Là. C'est sûr que ce projet-là va se faire. Donc, moi, je suis en train de tout monter, de signer de ça. On va ressortir bientôt, justement, là. On va sortir quand toutes les pièces du puzzle vont être mises en place. Mmh. On va vraiment faire un genre de petite conférence de presse, ça va être clairement le projet. puis où va avoir lieu l'Ornière, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça va être encore un plus pour le touriste du lac Saint-Jean. OK. Donc, évidemment, ça, c'est dans le parc d'attractions. Tu voudrais faire ça dans le parc d'attractions, je suis même abusé, c'est ça? Nous, ce qui arrive, c'est que ce qu'on veut, c'est que très près du poste de traite de Desbiens, on veut installer ça avec quelques manèges. Parce que présentement, il y a un promoteur qui regarde pour faire un hôtel de luxe sur le bord du lac Saint-Jean. Okay. Ouais. Donc, ça fait vraiment comme, je vous dirais, un genre de complexe. Il y aurait quelques manèges là, il y aurait l'Ornial, il y aurait le poste de traite, il y aurait l'auberge qui serait là. Donc, je trouve ça intéressant. C'est vraiment sur l'axe touristique en plus, Val-Jalbert et Dissous Saint-Félicien, puis du parc Caverne Trou de la Fée. Donc, je pense que pour le lac Saint-Jean, ça serait vraiment une valeur ajoutée. OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Hey, Nicolas, puisque je t'ai, ça fait un an et demi qu'il y a eu lieu les championnats du monde de pétanque. Là. On est en mesure de faire un bon bilan de tout ça. Là. Qu'est-ce qui a resté comme héritage? Ben, écoutez, au bout d'un an, là, ce que je peux vous dire, c'est que la ville de Desbiens et le lac Saint-Jean est vraiment associé à la pétanque à travers le monde. Parce que les prochains jeux vont avoir lieu en Suisse. Okay. La Suisse a approché certaines de nos personnes pour leur demander comment on avait réussi à faire un aussi bel événement. Donc, on a été approché là-dedans. Mais je peux vous dire que partout où ce qu'on passe, nous, la pétanque, là, on se fait parler des biens, que ce soit à Québec ou à Montréal. Donc, présentement, nous, on est en train de construire également une patinoire qui va être couverte, un genre de dôme. Ouais. Puisque l'été, il va pouvoir avoir des terrains de pétanque couverts. C'est sûr que quand notre pavillon va être fait, là, parce que c'est un pavillon comme culturel et en même temps sportif. Ouais. Quand ça va être terminé, c'est sûr que l'année prochaine, on va essayer de faire un événement assez intéressant au niveau de la pétanque. Okay, c'est bien dans le cœur des Québécois, c'est vraiment la place de la pétanque. Ça peut-tu être un championnat provincial? Ben, le provincial, on l'a déjà eu. On va en garder pour un provincial. Le problème, c'est qu'au Canada, la seule place qui joue à pétanque, c'est ici. C'est au Québec. Les autres provinces, ça ne joue pas à la pétanque. Mais ça peut être un open. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un open. Okay. C'est juste avant les championnats du monde, d'inviter les meilleures équipes à travers le monde à venir ici à Desbiens. Puis, si on aurait une dizaine d'équipes, ça serait super. Les équipes, par exemple, il y avait le Maroc qui était très, très fort, la France, l'Espagne, quelques équipes qu'on inviterait. On ferait un open. Après ça, on pourrait faire un provincial en même temps. Donc, on a plein d'idées là-dessus. Mais je peux vous dire que le leg qui a été laissé, il se sent partout dans la population, puis même en province. Ah, OK. As-tu des idées de la retombée économique? Les retombées économiques, écoutez, on avait demandé une étude. Ouais. On n'a pas eu toutes les données de ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de 80 sites européens, même le Figaro, qui ont parlé du championnat mondial au lac Saint-Jean. Donc, imaginez-vous juste la valeur en publicité. On sait aussi qu'on a rempli les hôtels de la région mur à mur lors de cet événement-là. La restauration, moi j'ai parlé à des gens de Cajou Sport qui m'ont dit « Écoute, cette fin de semaine-là, ça a été incroyable à cause de la pétanque. » Donc, c'est dur de chiffrer les retombées, mais avec très, très peu de sous, parce qu'au total, le championnat du monde a coûté 700 000 $ puis on a ramassé à peu près 635 000 $ Donc, on a un petit déficit de près de 60 000 $ total là, dans ce championnat du monde-là, sans avoir eu d'aide. Donc, quand même intéressant. On a eu l'aide provinciale et l'aide. En tout cas, c'est ça. Nicolas Martel, un gros merci pour le plaisir de se reparler. Allez, au plaisir. Le maire de Desbiens, Nicolas Martel.